Oui, allô? Oui. Oui, madame. Bonjour, madame Pou, ce serait pour demander à votre invité, s'il vous plaît. Oui, madame. Pardon? Oui, oui, on vous écoute, madame. Bon, c'est parce que ma jeune fille de 16 ans a déjà pris de l'acide. Ouais, salut! T'as du monde ici qui nous connaissent sans dessin. Fait depuis 89 qu'on joue ensemble, puis fait deux démos, puis on a arrêté pendant 2 ans. On est parti sur Pluton. Parce que c'est une drôle histoire. Une fois, on était dans le local un soir, puis on se préparait à pratiquer. Tu sais, on était bien effoiré dans le divan, puis tranquillement, pas vite, on se préparait à jammer. Tout à coup, il y a eu une panne d'électricité. C'est devenu blackout. Croyez-moi pas, ben, on s'est retrouvé sur une autre planète. Carrément. C'était bien différent. Parce que moi, je pense que c'est Pluton parce qu'il faisait bien frais. Tu sais, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Puis il y avait des étangs glacés. Fait qu'on s'est construit une petite cabane. Puis on a fait ce qu'on aimait. Tu sais. Ben, on a pêché un peu. C'est pas pour la pêche, mais tu sais, parce que tout ce qu'on fait en pêchant, il est tout à côté. On dit qu'on n'a rien pogné, mais il y avait de la mouche en tabarnak. Regardez mes piqûres. Vous en montrez plus tantôt. Anyway, je suis bien plus beau tout nu.